Vous avez peut-être entendu parler de l'armada qui va débarquer. Si t'as entendu parler de nous, tu sais bien que notre rayon, c'est pas la garde de prisonniers. Nous, on est dans la liquidation de The MC Glorious Basta. Et l'activité est en plein boom. Inglorious Bastards.